Ok. Soyez bénis dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait bien longtemps que je ne suis pas en ligne avec vous parce que j'étais très occupé par l'œuvre de Dieu. J'étais au Luxembourg. Après au Luxembourg, c'était la Suisse et je suis revenu de la Suisse ce soir. Et je suis déjà chez moi pour redémarrer ces émissions. Une émission tout à fait particulière qui touche les problèmes de l'Assomption. On parlait de l'Assomption de Marie, qui est appelée Dormition dans la tradition orientale, qui est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, Mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qu'on traduirait communément par montée au ciel, que Marie est montée au ciel. Donc, aujourd'hui, nous avons pour guide la Bible qui est effectivement les Saintes Écritures, la parole de Dieu, qui nous enseigne, qui nous révèle tout ce qui est écrit. Et la Bible déclare que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Partagez la vidéo pendant ce temps. Je dis bien de partager, bien sûr, la vidéo. Le thème est très important pour moi parce que beaucoup parmi vous ont fêté l'Assomption et bien sûr, les cellules ont enregistré, vos cellules ont enregistré l'information depuis le ventre de votre maman. Vos enfants aussi sont nés avec cette information. Et si cela n'a pas été déprogrammé, ça continue. Ça veut dire qu'un mensonge de Satan, moi j'appelle ça mensonge parce que ça n'existe pas. Nous allons découvrir tout ça dans la Bible tout à l'heure. Et nous allons vérifier, bibliquement parlant, si ce que disent ces deux religions, c'est la vérité ou c'est le mensonge. Alors, partagez la vidéo en écoutant. Nous allons écouter un bout de musique qui vient tout droit du ciel. Je dis bien, ça vient tout droit du ciel, un bout de musique. C'est pas, donc, cette musique nous vient tout droit du ciel si elle n'est pas protégée. Parce que nous prenons bien sûr la musique sur YouTube. Et si elle est protégée, ça veut dire que elle ne passera pas. YouTube risque de bloquer. Partagez la vidéo. Partagez, nous sommes au commencement, dès le début de notre émission. Partagez la vidéo même si le thème ne vous plaît pas du tout, mais c'est important parce que ça se retrouve dans vos cellules. Même si vous êtes chrétien né de nouveau, vous allez entendre l'explication tout à l'heure. Partagez. Je veux voir les gens partager. Si vous partagez, je démarre l'émission. Mais si vous ne partagez pas, vous êtes des complices, des menteurs. Et vous irez tout droit en enfer. Parce que ça a été vraiment un mensonge cruel. Que Marie est... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils enseignent que l'Assomption de Marie et qui est appelée Dormition dans la tradition orientale et la croyance religieuse orthodoxe. Alors jusqu'ici, Dieu t'a toujours secouru, tu dois travailler pour lui en évangélisant, bien sûr. Si tu n'évangélises pas, tu ne fais rien pour lui, alors lui aussi ne fera du tout, il ne fera pas du tout quelque chose pour toi. Toutes tes prières vont rester non exaucées parce que tu n'évangélises pas du tout. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes sérieux dans leur vie. Évangéliser, c'est partager la vidéo, même si on vous bloque. Parce qu'il y a une politique que sur Facebook, lorsque vous partagez beaucoup, on vous bloque. Créez d'autres comptes comme le font les païens. Les païens, pour réussir, ils créent beaucoup de comptes. Je suivais une manifestation des Ivoiriens tout à l'heure dans la ville de Paris sur Facebook. Ils disaient à ses amis d'ouvrir d'autres comptes parce qu'ils ont créé beaucoup de comptes. C'était sur Internet. Ils ont créé beaucoup de comptes. Et pendant que Facebook bloque d'autres et vous ouvrez les autres. Vous voyez comment ça marche chez les païens. Et vous savez que ces instruments, ces réseaux sociaux ne sont pas du tout favorables à l'évangile. C'est pourquoi nous avons besoin des moyens très importants pour avoir nos propres réseaux comme Facebook. Les chrétiens doivent avoir leurs propres réseaux comme les Facebook, comme les YouTube, tout ça. Appartenant aux chrétiens, c'est important. On peut aller quand même évangéliser dans les réseaux païens comme Facebook et les autres. On peut aller évangéliser là-bas, mais nous avons d'abord nos réseaux propres à nous. Mais quand tu vas dire ça, mais ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour créer également des réseaux, des applications. Ça demande beaucoup d'argent. Tu vas dire à un chrétien, donne l'argent, il te dira que imiter Jésus parce que Jésus était pauvre. Imitez-le parce que si vous faites ça, vous ne serez pas, vous n'imitez pas Jésus parce que Jésus était comment ? Était humble. Ils appellent la pauvreté l'humilité. Les chrétiens d'aujourd'hui appellent la pauvreté l'humilité. Or, la Bible déclare que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors, si toi tu prends la pauvreté comme l'humilité, je ne pense pas que tu es sur le droit chemin. Alors, quel est donc le thème central que nous développons aujourd'hui, parce que d'autres thèmes vont venir après, partager quand même la vidéo, et nous sommes là pour ça. Donc, l'Assomption de Marie, qui est appelée Dormition dans la tradition orientale et aussi la croyance religieuse orthodoxe et catholique, selon laquelle donc, la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais elle est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qu'on traduirait communément par monter au ciel chez les catholiques et l'Église orthodoxe. C'est leur croyance, donc partagez la vidéo parce que nous allons déprogrammer tout ce mensonge dans vos cellules. Et beaucoup de gens, avant de se convertir, ont cru à ce genre de mensonge et même si vous aviez renoncé, vous aviez demandé pardon, mais sachez que vos cellules avaient déjà enregistré et que l'information se trouverait dans vos cellules. Quand les enfants vont naître, ils seront des païens et vous-même aussi, c'est une malédiction. Parce que lorsque vous croyez à un mensonge, et le diable est très fort dans le mensonge, dans les calomnies, il n'envoie pas les réseaux sociaux dans toutes les mauvaises informations, en passant bien sûr par les réseaux sociaux, par les religions, en passant par les cercles mystiques, par des sectes pernicieuses. Il envoie ce genre de choses pour salir les cellules des uns et des autres. Voilà ce qui se passe donc dans le monde d'où nous vivons aujourd'hui. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, nous allons vérifier toutes ces allégations parce que l'apôtre Paul est revenu là-dessus sur les problèmes de résurrection. Au chapitre 15, c'est l'apôtre Paul qui parle et je pense que Paul, c'est un serviteur de Dieu, il ne se trompe pas parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Partagez la vidéo s'il vous plaît, posez-vous la question. Lorsque vous aviez cru peut-être à cette information qui est réellement un mensonge, que Marie est montée au ciel, qu'est-ce qui en reste dans vos cellules? Qu'est-ce qui se manifeste dans vos cellules lorsque vous devenez chrétien? C'est une information de mensonge. Pourquoi je dis que c'est un mensonge? Voyons ce qui est écrit ici dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15. Donc, Ici, le chapitre 15 nous parle de la restauration, de ce qu'on appelle la restauration, les événements à venir, les résurrections, les différentes résurrections qui auront lieu dans le monde. Première résurrection, c'est a été la résurrection de Jésus-Christ lui-même, dont la Bible fait allusion, parle de ça dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Jean, et aussi dans d'autres évangiles, dans les épîtres, on fait des analyses sur ça, on enseigne comment le mystère de Jésus, comment il est venu dans le monde, et en même temps, il a vécu dans ce monde, marchant dans ce monde, et quelle était la mission de Jésus dans ce monde. Après cette mission, Jésus monte au ciel devant des témoins. Alors, dans le cas de Marie, il n'y a pas un seul témoin. Et l'histoire nous dit que c'est tout simplement un pape qui aurait eu la révélation des milliers d'années, plus de 1000 ans plus tard, et que ce pape aurait déclaré que Dieu l'avait révélé, que c'est Marie, que Marie est montée au ciel. C'est que la Bible n'a jamais confirmé, pas du tout. Mais en ce qui concerne donc le plan de la résurrection selon Dieu, et la Bible déclare, mais maintenant Christ est ressuscité. Là, je suis au verset 20 du chapitre 15. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, les prémices, c'est-à-dire le premier. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, Christ est le premier. Comme tous meurent en Adam, et de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Tous revivront en Christ. Quand Christ est mort, Marie était encore vivante. Et Marie est devenue là, une brebis de Christ, son propre fils. J'ai dit une brebis née de nouveau dans l'église primitive. Je vais vous le prouver par la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est-à-dire le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ, puis ceux qui appartiennent à Christ. Voyons, regardons un peu le processus des différentes résurrections qui vont intervenir dans le monde. Christ comme prémisse, il est déjà ressuscité, puis ceux qui appartiennent à Christ. Quand il dit « puis ceux qui appartiennent à Christ », il parle de quoi? Il parle de l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que nous allons déprogrammer toutes ces fausses informations dans vos cellules tout à l'heure. Si vous ne partagez pas, vous êtes des complices, des menteurs. Donc, la Bible dit, tous revivront en Christ, ça veut dire quoi? Être en Adam et en Christ. C'est simplement être humain, n'être né qu'une fois. Être en Christ, c'est avoir la vie éternelle. Être né de nouveau, par descendance naturelle d'Adam, ayant hérité sa nature pécheresse, ayant hérité le péché originel. Donc, tu es né en Adam, veut dire, tu as hérité le péché originel. Comme Marie aussi a hérité le péché originel avec toutes ses malédictions et autres. Donc, maintenant, ayant hérité sa nature pécheresse, tous meurent en Adam. Par descendance surnaturelle de Christ, ayant hérité sa justice, ayant été délivré par le sang de Jésus, tous se revivront en Christ. Bien que dans les deux cas, la descendance soit physique et spirituelle. Le premier cas, c'est-à-dire Adam, tous meurent en Adam. La descendance est d'abord physique depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons le péché originel dans le sang, nous avons les malédictions originelles dans le sang, nous avons aussi la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères dans le sang. Donc tous meurent en Adam. La première mort qui intervient dans ce cadre, c'est la mort spirituelle. Nous sommes tous nés étant séparés de Dieu, comme Marie aussi. Marie était juive de naissance. Tous les juifs sont nés également étant séparés de Dieu. C'est pourquoi Dieu descend pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas venu que pour les juifs ni pour les païens. Jésus est venu pour toute l'humanité. Pourquoi? Avec une mission spéciale, détruire l'inimitié qui existait entre l'homme et Dieu par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, pas par rapport au péché que tu commets aujourd'hui. Donc, ici, tous meurent en Adam, il fait allusion au péché originel. Et nous devons donc avoir réellement la révélation sur le problème de mourir en Adam, qui est d'abord une intervention surnaturelle. Selon Éphésiens chapitre 2, nous étions morts par nos péchés. Nous étions morts, Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Vous pouvez lire cela dans votre Bible. Nous étions morts par nos péchés et par nos actes, par nos offenses, dit la parole de Dieu. Et nous tous aussi, nous étions du nombre. Comme dit l'apôtre Paul, il était aussi du nombre. Étant juif, Marie aussi était du nombre. C'est le Fils Jésus qui apporte la vie surnaturelle à toute l'humanité. C'est lui qui croit au Fils, dit la lettre de Jean, au chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 13, au chapitre 3, pardon, verset 36. L'évangile de Jean, verset 36, chapitre 3, dit ceci: c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, c'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, après la résurrection de Jésus, il n'y a plus eu de résurrection. Et personne ne peut monter au ciel avec le corps que nous portons. Personne. Car on ne peut pas entrer au ciel avec ce corps-ci. Le sang et la chair ne peuvent jamais hériter le ciel. Le ciel. Donc, nous continuons. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, plus ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Dans le plan de la résurrection, Christ constitue donc les prémices, c'est-à-dire il est le premier. Et ceux qui appartiennent à Christ lors de l'enlèvement, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci constitue la récolte, contrairement à la moisson des céréales. Cependant, celle de la résurrection est très éloignée dans le temps des prémices. Jésus est ressuscité. Et ça fait 2000 ans aujourd'hui que le gars est ressuscité. Mais tous ceux qui continuent à croire, il y a ceux qui meurent en Christ, vous voyez, et lui-même en a fait écho. Nous ne savons pas, en fait, nous ne savons pas quand l'intervention de Christ va se manifester en ce qui concerne l'enlèvement. Parce que dans le livre de Matthieu, lui-même le dit déjà, Matthieu chapitre 24, que personne ne le sait. Et aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 5, 16, précise que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui serons restés, on sera enlevés, donc transformés d'abord. Il faut que ton corps soit transformé. Si ton corps n'est pas transformé, tu ne peux pas être enlevé. Et qu'est-ce qui amène cette transformation? C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui habite dans ton corps. C'est pourquoi la Bible déclare de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Parce que tu peux être surpris un jour, tu éteins le Saint-Esprit. Parce que le diable fait tout et tu vas utiliser tout le monde, que ce soit dans ta maison. Il va utiliser les enfants, ta femme ou bien ton mari. Il va utiliser les copains, les copines, si vous êtes dans une église, tes amis dans une église. Il va utiliser tout le monde, que ce soit tes collègues de service, pour t'amener à dormir dans une colère. Et tout ceci, tu vas éteindre le Saint-Esprit et que tu ne parles. La Bible dit que si ça ne dépend que de nous, cherchons, recherchons la paix. Si ça ne dépend que de nous, recherchons encore la paix. Mais combien de fois les gens vont se coucher avec la colère dans l'esprit, les gens vont se coucher avec les manifestations de ce qu'ils appellent, ce que le français appelle les sentiments négatifs. Ils vont se coucher avec ça dans leur esprit, dans leurs cellules, parce que les cellules enregistrent tout ça. Et tu nourris tes cellules avec des ressentiments. Avec des manifestations de colère, tu nourris tes cellules parce que tes cellules enregistrent tout ça. Donc, nous continuons les prémices selon. Et la Bible dit, chacun en son rang. Le plus évident est que Christ reviendra comme les prémices parce que c'est lui que nous allons voir. C'est pourquoi la Bible dit, au son de la trompette, le Seigneur Jésus descendra du ciel. Il est déjà ressuscité, mais il va revenir. Il va venir chercher ceux qui croient maintenant, ceux qui sont nés de nouveau. Il ne vient pas chercher ceux qui sont dans la religion. Non, ce n'est pas parce que tu appartiens à une religion. Si réellement, pendant que tu étais encore en vie, tu n'as jamais accepté Christ comme ton sauveur, tu n'as jamais confessé sa présence, c'est repentir de la présence du péché originel dans ton sang, dans tes cellules, dans ton esprit, que tu es né, tu reconnais que tu es né étant séparé de Dieu. Étant séparé de Dieu, malgré les œuvres que tu fais du bien aux gens, tu es tellement gentil, ou bien tu achètes des habits. Il y a beaucoup d'associations qui ont été créées par X ou Y, disant que nous allons faire les œuvres. Mais les œuvres ne nous apportent pas le salut. Selon Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a fait des œuvres. Il faut d'abord être sauvé et après tu commences à faire des œuvres. C'est ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, enseigne. Mais le diable a effacé ça. Il nous présente d'autres choses comme ce qui se passe effectivement dans les religions. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, la Bible parle de l'avènement, des passages dans la Bible parlent de cette récolte, ça sera une grande récolte. La récolte ne se fera pas toute en une fois, mais dans un certain ordre. La première résurrection a deux parties principales, dont la résurrection de Christ et celle des croyants. La résurrection des croyants, de ceux qui appartiennent à Christ. Vous voyez, de ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Il n'y aura pas un troisième départ que tu es resté. C'est ce départ-là, l'enlèvement, 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous attendons. Et il n'y a pas eu une autre entrée au ciel. Si quelqu'un te dit que Marie est montée au ciel, c'est faux. La Bible déclare, à part celui qui est descendu, Jésus lui-même dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté. C'est lui, quand il était sur la terre, à part celui qui est descendu, personne d'autre n'est monté. Et à part ceux qui meurent en Christ maintenant, leur corps, leurs cellules attendent quoi? Attendent la résurrection, la transformation du corps physique. Parce que j'enseigne tout ce temps-ci sur la présence de l'ADN dans tes cellules. L'ADN qui est dans tes cellules permettra au Saint-Esprit que tu sois identifié, même si tu as été enterré dans la fosse commune. Et nous avons également d'autres signes dans la Bible, selon Ézéchiel chapitre 37, qui nous révèle une histoire que le Saint-Esprit raconte par la bouche de son serviteur. Et il dit ceci, l'Esprit du Seigneur l'avait saisi, et le Seigneur lui dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Les ossements, pardon, desséchés qui étaient répandus sur toute la vallée. Quand on dit ossements desséchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est mort depuis longtemps. Et la chair, les ligaments et tout ce qui est comme nerfs ont disparu. Ce sont les os qui ont commencé à sécher et qui traînent partout, éparpillés par les orages, éparpillés par de l'eau, des pluies qui ruissellent, éparpillés par les inondations de part et d'autre. Et maintenant, Dieu dit prophétise. L'homme de Dieu dit, mais Seigneur, il parlait justement de l'enlèvement. Il dit prophétise. Il dit d'abord à Dieu, mais toi-même tu le sais. Dieu dit donc prophétise. Prophétise, c'est quoi ici? C'est annoncer l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile. C'est ça la prophétie. L'évangile, c'est une prophétie. Parce que depuis le livre de Genèse, chapitre 3, Dieu commence à annoncer sa descente, lui-même Dieu, dans le monde. La parole de Dieu s'est faite chair. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'à tout le Nouveau. Tout l'Ancien Testament parle de la descente de Jésus. Si on avait les prochaines émissions, je reviendrai là-dessus. Ça parle de la descente de Jésus dans le monde. Il y a des soi-disant Africains qui nous disent sur les réseaux sociaux, oh oui, vous savez, nous avons nos coutumes et les religions, la religion juive, c'est la religion des chrétiens. Pourquoi vous suivez les prophètes des juifs et puis vous ne suivez pas les coutumes, les traditions de vos ancêtres? Je veux suivre les traditions de sorcellerie, les traditions des pratiques. Comme l'apôtre Paul le dit quand il écrit aux Colossiens qui n'étaient pas des Juifs. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la tradition, par les rudiments du monde, par la philosophie, par toutes ces choses, que personne ne fasse de vous sa proie. Vous devenez la proie de Satan par rapport à ces choses. L'Afrique a toujours été la proie de Satan par rapport à ces pratiques, par rapport aux différentes religions qui sont entrées chez nous. Et c'est pourquoi la génération actuelle ne connaît pas Christ, parce que cette génération est née dans des religions où on n'annonce pas du tout la bonne nouvelle du salut. Les gens, on les enregistre dès leur naissance. Ils deviennent chrétiens de l'Église. Mais il n'est pas né de nouveau. Mais c'est un chrétien. Chrétien ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Chrétien, ce n'est pas un mot révélé. Le mot qui est révélé par Dieu, ça veut dire quoi, enfant de Dieu? enfants de Dieu, selon Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Qui a donné le pouvoir? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Tu dois avoir la vie éternelle comment? C'est en identifiant tes problèmes spirituels. Le premier problème est que tu es né sans Dieu dans ta vie, privé du droit de citer. En Isaïe, selon Ephésiens, chapitre 2, à partir du verset 10. Donc, privé du droit de citer. Israël ici, ce n'est pas Israël entre guillemets qui est la tribu que vous voyez là. Israël ici, c'est depuis Adam jusqu'à nos jours, parce que même Adam, qui t'a pas dit, parce que Jésus est allé annoncer l'évangile au monde. Adam est au ciel par rapport au sang de Jésus. Ève est au ciel par rapport au sang de Jésus. Parce que la Bible dit l'évangile a été annoncé aux morts. Parce que le jour même de la résurrection, les saints sont sortis des tombeaux. Et Jésus a dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté. Même Abraham n'était pas au ciel. Même les gens qui sont morts dans l'Ancien Testament, ils étaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient où? Dans le sein d'Abraham. Dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Vous pouvez vérifier. Dans le sein d'Abraham, ce n'était pas le ciel. C'est pourquoi, lors de la résurrection de Jésus, les tombeaux se sont ouverts et plusieurs saints sont sortis également. Parce que Jésus, c'est lui qui est venu ouvrir le chemin du ciel. La Bible précise que, selon Romains, chapitre 5, verset 12, que vous allez écouter ce que vous n'avez jamais écouté aujourd'hui. C'est pourquoi j'aime toujours lire la parole de Dieu quand je prie. C'est très important. Romains chapitre 12, verset 10 quoi? Chapitre 5, verset 12 dit quoi? Hein? Le péché qu'Adam avait provoqué. Adam a commis un péché qui nous a amené à la condamnation. Même ceux qui n'ont pas poser un acte semblable à l'acte d'Adam. Nous sommes nés avec ce péché et ces malédictions dans les cellules. Abraham avait ça dans ses cellules. Adam a eu ça. C'est lui qui a transmis. C'est lui qui est le transmetteur de ce péché, de ces malédictions. La séparation avec Dieu a commencé dans le jardin d'Éden. Donc toi, tu es né, tu es africain. Tu as des coutumes, tu as des traditions. Ton père, tes ancêtres là, avec quel type de Dieu? Il n'y avait pas de Dieu dans le monde, comme le dit Éphésiens chapitre 2. Éphésiens, ce n'était pas des Hébreux, c'était également des païens. Les Éphésiens, c'était des païens. C'était des païens, ce n'était pas des Hébreux. Quand les gens viennent vous raconter des bêtises sur Facebook en disant oui, nous avons nos coutumes, chacun son prophète, et il y a celui là-bas qui c'est l'Ivoirien qui se dit prophète, sauveur là, si c'est Kakou Philippe, c'est moi le sauveur. Ayant la malédiction adamique dans son sang, il peut sauver les gens avec quoi? Le sang de Kakou Philippe peut sauver quelqu'un? Peut sauver qui? Lui-même n'est pas d'abord sauvé. Son sang va sauver qui? C'est le sang de Jésus, comme le dit 1 Pierre chapitre 2, chapitre 1, verset 18. Que ce n'est pas par des choses périssables, par l'or et l'argent, qu'on a été racheté de la vaine manière de vivre, qu'on a hérité de nos pères. Nos pères, ça commence depuis Adam jusqu'à ton père. L'héritage, tout ce qui est dans tes cellules, c'est à partir d'Adam. Ce sont des informations qui ont été retransmises par l'ADN de ton père, qui est également devenu ton ADN. Et tu vas aussi retransmettre ça à tes propres enfants. C'est scientifiquement prouvé. Quand vous lisez la Bible actuellement, utiliser les informations que la science vous donne également, c'est très important en ce qui concerne le fonctionnement de notre corps physique. Parce que nous avons trois parties dans notre corps. La première partie dans notre corps, c'est d'abord ton esprit, l'âme. L'âme est dans le sang. Et le sang, c'est quoi? Ce sont des cellules. Les informations qui sont dans tes cellules. Et c'est pourquoi la Bible précise que je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. L'âme de qui que ce soit n'a jamais prospéré depuis Adam, la chute d'Adam, jusqu'à l'arrivée de Jésus sur la terre. L'âme de qui que ce soit n'a jamais prospéré. Parce que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit tout ce monde-là, ils avaient l'âme souillée. Et quand Jésus arrive, Jésus descend dans le sein d'Abraham pour leur annoncer l'évangile. Jésus a annoncé l'évangile à Abraham. Jésus a annoncé l'évangile à Moïse. Jésus a annoncé l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut en Christ. Parce que c'est lui seul qui est venu pour ouvrir le chemin du ciel. Pour ouvrir le chemin du ciel. Verset 12, Romains chapitre 5, verset 12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à ce que Moïse reçoive la loi de Dieu, jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas, même sur ceux qui n'avaient pas, qui n'avaient pas commis la même transgression, ce qui est semblable, une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, c'est Jésus. Donc, ici, vous voyez, même sur ceux qui n'ont pas commis le même péché comme Adam. Est-ce que toi, tu as mangé le fruit? Tu as vu Dieu un jour et que Dieu t'aurait demandé de ne pas manger le fruit, sinon tu vas mourir? Non, les malédictions que Dieu avait prononcées, Genèse chapitre 3, verset, à partir du verset 16, sur la femme et sur l'homme également, nous naissons avec ces malédictions dans nos cellules et nous transmettons ces malédictions à nos propres enfants qui naissent. C'est pas seulement la malédiction, nous naissons étant séparés de Dieu et nous transmettons également cette séparation à nos enfants de génération en génération depuis Adam jusqu'à toi qui m'écoutes jusqu'à présent. Alors Marie avait tout ça, mais comment Marie va monter au ciel avec son corps sans mourir, sans ressusciter? Parce que Marie a reçu Jésus selon le livre des Actes des Apôtres. Son propre fils. C'est pas parce que Jésus est passé par... Vous savez pourquoi Jésus va naître 100 fois être souillé? Parce que nous naissons étant souillés à cause de cette relation sexuelle. Quand un homme couche avec une femme, vous produisez les deux cellules font quoi? Les deux cellules il y a fusion. Quand les deux cellules se retrouvent dans la membrane qui est l'utérus, il y a donc fusion et vous fabriquez un être humain. Et cet être humain, dont nous savons que la cellule de l'homme a déjà des informations adamiques, les malédictions adamiques, les informations, les traditions, les coutumes, les péchés de ton père, la vaine manière de vivre que tu avais hérité de ton père. Il y a tout ça dans les cellules de ton père. Et puis, il y a tout ça également dans les cellules de ta mère. Et lorsque les deux cellules se retrouvent au niveau des rapports sexuels, quand il y a eu un rapport sexuel, parce que Dieu avait créé la femme en mettant dans le bas-ventre de la femme un mécanisme de reproduction tout à fait naturel, qui n'a rien à voir avec lui depuis la création. C'est pourquoi tu peux coucher avec n'importe quelle femme, tu fais des enfants, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux coucher avec une femme qui n'est pas mariée avec toi, tu fais des enfants, parce que c'est un mécanisme naturel. Mais ce qui est surnaturel, Dieu appelle ça péché. Parce que le péché, lorsque tu as un rapport sexuel avec une femme qui n'est pas ta femme, avec un homme qui n'est pas ton mari, vous produisez un enfant, c'est un enfant de malédiction, dit la Bible, parce que vous vous êtes unis dans une malédiction. Vos cellules sont maudites. Porte la malédiction adamique d'abord et tous les péchés que tu as commis depuis ta naissance, tout ça, ça retrouve dans tes cellules. Et quand les deux cellules se retrouvent, toi et l'homme en question, vous fabriquez un enfant. L'ADN de la nouvelle cellule qui vient de naître, qui vient de fusionner, les deux cellules qui viennent de fusionner, alors les deux cellules ont l'ADN de chacun, l'ADN de la femme, l'ADN de l'homme. Vous fabriquez un enfant et l'ADN transmet quoi? Toutes les informations qui sont dans la cellule de la femme et aussi dans la cellule de l'homme. Et comme ça, vous avez un enfant qui va commencer à grandir avec une agressivité. Avec, quand cet enfant a besoin d'un jouet, commence à pleurer. C'est pourquoi nous naissons en pleurant. Tu as déjà vu un enfant qui peut naître aujourd'hui, il commence à rire. Tu as déjà vu ça un jour? Non. Il commence par des pleurs. C'est la manifestation du péché adamique. C'est la manifestation des malédictions adamiques dans les cellules de cet enfant. Il a hérité ça. Est-ce que l'enfant a commis un péché? Non, il n'a pas commis un péché. Mais il a hérité ça. Il vient de sortir du ventre. Il a hérité ça de ses parents, de ses ancêtres, de la tribu, du pays où il vit. Et il est né étant séparé de Dieu. C'est pourquoi il pleure, étant séparé de Dieu. C'est pourquoi tu peux avorter, tu peux tuer dans le ventre, l'enfant tombe malade, il meurt, tout ça à cause de ses péchés. Il est déjà mort spirituellement, surnaturellement, parce que Dieu n'est pas dans sa vie. Son père n'est pas né de nouveau, sa mère n'est pas née de nouveau. Dans le cas d'espèce, donc en ce qui concerne Marie et Jésus, Jésus ne prend pas cette malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a été engendré par le Saint-Esprit. C'est pas Joseph, comme les satanistes le disent. C'est pas Joseph qui aurait eu un rapport sexuel avec Marie. pour avoir Jésus. Non, c'est le Saint-Esprit qui est entré dans la cellule. Parce que Dieu est Dieu. Il est entré, il a d'abord déprogrammé tout ce qui était dans la cellule de Marie. Il a d'abord déprogrammé qui était la seule cellule qui existait. Il n'y avait pas la cellule de Joseph dans l'utérus de Marie. Il n'y avait que le Saint-Esprit. Donc, il y a eu fusion entre le Saint-Esprit et la cellule de Marie. Et Dieu a déprogrammé tout ce qui était nocif dans cette cellule. Dans cette cellule, c'est pourquoi les enfants qui vont naître après Jésus auront les mêmes malédictions, auront les mêmes malédictions, parce que c'est la cellule là où Jésus entre, qui entre en fusion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est Dieu, parce qu'il n'y a pas eu une cellule mâle pour créer Jésus. Il n'y a eu que le Saint-Esprit pour créer, pas pour créer la chair de Jésus. C'est pourquoi la chair de Jésus va naître étant pure. Pas avec le péché originel, pas avec le péché personnel. Jésus n'a jamais commis un péché. Parce que ses cellules étaient tellement claires, étaient tellement propres. Son ADN. Et donc, il ne pouvait pas commettre un péché parce qu'il était exempt de tout ce que je suis en train de donner des analyses aujourd'hui. Donc, après la naissance de Jésus, il n'y a plus eu un enfant qui était comme Jésus venant de Marie. Or, Marie a eu d'autres enfants. Si vous lisez la Bible, Marie a eu d'autres enfants. Mais elle a eu d'autres enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants sont nés avec le péché originel. Mais comme ils ont cru, parce que d'autres sont devenus des apôtres de Jésus, de leurs propres frères, ils sont devenus. Marie elle-même est devenue aussi une servante de Dieu dans la première église créée par son propre fils, qu'on appelle l'église primitive. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Donc, elle fut sauvée. Pourquoi son fils, Dieu va l'accorder la grâce? Ce n'est pas seulement la grâce de porter le sauveur, parce que quand on parle de la grâce de Marie, ça s'arrête qu'elle a porté le sauveur, elle a porté le sauveur. Mais ça n'a rien à voir. Mais la grâce de Marie s'étend sur des générations, parce que nous autres aussi, on a reçu la même grâce d'être sauvés. Au chapitre 1er, la Bible dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui était à une distance d'un chemin de sabbat. Je suis au verset 12, au chapitre 1er, Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Avec précision, c'est le verset 14. Avec précision, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Avec les frères de Jésus. Dont Jésus a eu des frères après. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture annonce d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldema, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. Hein? Ce qui arrive à Jésus là, ce que les gens disent que oui, c'est pour les heureux. Je vous ai dit dès le départ que depuis Genèse, on ne fait que parler de Jésus. La Bible, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Jésus, c'est Dieu. Que ça demeure. Ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Pendant ce temps, Pierre est en train de parler. Jésus vient de monter au ciel. Il cite les psaumes. Pierre n'a jamais été dans une école biblique. C'était un pêcheur des poissons. Et qui lui donne ce pouvoir? Qui donne? C'est Jésus, parce que Jésus a fait un travail dans ses cellules. Un travail dans ses cellules. Jésus passe le temps de l'enseigner pendant 3 ans et demi. L'enseignement que les gens ne veulent pas obtenir aujourd'hui, Ils ne veulent même pas assister. Ils n'ont même pas de père spirituel pour qu'ils soient enseignés. Ce n'est même pas leur problème. Ils écoutent des prédications à gauche, à droite. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Rien. Leurs cellules sont vides. Sont vraiment vides. Et ainsi, on a des personnes vides dans des assemblées. Esprit vide, l'âme vide, cellule vide, tout est vide en elle. Alors, on se permet tout simplement de critiquer, alors que tu ne connais rien de la parole de Dieu. Mais tu critiques ceux qui connaissent. C'est comme un professeur en mathématiques qui donne son cours, et puis un élève qui vient de quitter l'école primaire, entre en sixième, commence à critiquer, ou en cinquième, commence à critiquer, ou en troisième, commence à critiquer le professeur. Tu connais quoi de ce qu'il... Donc c'est inadmissible ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Ils se permettent de dire des choses qui les condamnent et qui apportent la malédiction dans leur vie. Et Satan passe par là. Donc quand nous continuons à lire ce qui est dit au sujet du chapitre 15 sur la résurrection, et j'étais justement en train de développer le chapitre 15, j'étais en train de dire ceci. Parler de la raison. Il y aura donc initialement la résurrection de l'Église, des croyants qui sont venus à la connaissance depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Vous voyez? Depuis la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. C'était ce jour-là, il y a eu 3000 personnes, plus les 120. Plus les 120. Le corps de Pierre va ressusciter. Le corps de Matthieu va ressusciter. Pendant ce temps, leurs corps ne sont pas encore sortis des tombeaux. Mais ils sont au ciel, l'âme et l'esprit. Mais le corps va ressusciter. C'est ça le mystère. C'est ça la puissance de Dieu. Leur ADN est encore l'ADN de chacun de ces apôtres est encore si vif. Si on creuse effectivement là où ils ont été enterrés, on va trouver l'ADN de Matthieu, on va trouver l'ADN. C'est l'ADN que le Saint-Esprit va utiliser pour sortir, même si tu as été brûlé. Demandez aux scientifiques, même si tu as été brûlé, il y a l'ADN dans la cendre. On va répandre la cendre sur la mer, on va répandre la cendre, mais ton ADN restera dans la mer. C'est pourquoi la Bible déclare que la mer donnera ses morts. Tu es mort dans la mer, ton ADN reste dans l'eau. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, ça reste dans l'eau. La mort va donner, ton corps a disparu dans la mer. La mort va donner si tu étais né de nouveau. Mais si tu n'étais pas né de nouveau, cette première, cette deuxième résurrection ne te concerne pas. Parce que la première résurrection qui a eu lieu, c'est seulement celle de Christ. La deuxième, ça sera l'Église. Depuis, dans la Pentecôte, le chapitre 2, jusqu'au jour de l'enlèvement, que nous ne connaissons pas du tout jusqu'à ce jour. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai dit de partager la vidéo. Donc, cela est très important d'analyser réellement ces choses. Alors, l'apôtre Paul continue. Il dit ceci. Ensuite viendra la fin. Il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Avant de remettre le royaume, quand il dit chacun en son rang, nous allons ressusciter avec quel corps? Nous allons ressusciter avec quel corps? La Bible appelle ça le corps céleste. Est-ce que Marie a porté le corps céleste? Il a été transformé. Il n'y a jamais eu d'enlèvement. Et personne depuis la résurrection de Jésus jusqu'à ce jour, on ne peut pas parler d'enlèvement. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Le corps de Marie attend dans une tombe à Jérusalem que tous les Hébreux connaissent. Pourquoi les Hébreux ne sont pas catholiques? Pourquoi ils ne sont pas orthodoxes? Pourquoi ils ne sont pas catholiques? Parce que c'est des religions qui sont nées 300 ans ou 200, 200, 300 après. Les apôtres avaient déjà répandu l'évangile de part et d'autre. C'est-à-dire, entrez même dans Google, vous commencez à chercher à quel moment? Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu et on raconte des bêtises dans leurs églises. Nous sommes les premiers. Vous êtes les premiers par rapport à quoi? On dit que le pape remplace Pierre. Quel Pierre? L'apôtre Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne bâtit pas l'église sur le corps de Pierre. C'est lui qui est le corps. L'église est bâtie sur son corps, lui, Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, le corps de Christ? C'est pourquoi on appelle ceux qui sont dans le réveil le corps de Christ. C'est pas la religion, le corps de Christ. Parce que Christ, il dit, je te donne la clé. La clé veut dire quoi? La nouvelle naissance. Tu as cette clé, toi qui m'écoutes, pour ouvrir la porte du ciel à ceux qui sont autour de toi, à ceux qui vivent avec toi dans la même maison, dans ta famille, en leur annonçant l'évangile. Parce que nous annonçons l'évangile de deux manières, c'est-à-dire ce que nous disons aux gens et ce que nous faisons. Voilà. Donc, nous annonçons l'évangile sur les rues, sur les réseaux sociaux. Pourquoi? On doit utiliser les télévisions. Pourquoi? Parce que c'est un ordre qui a été donné. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissaient, qui n'avaient pas ces informations que je suis en train de donner. Même ceux qui se disent parfois persévérants dans l'église de réveil, qui sont même nés de nouveau. Beaucoup ne connaissent pas réellement ce que je suis en train d'analyser aujourd'hui sur la nouvelle naissance. Que Marie a eu, c'est une seule cellule qui s'est détachée de son utérus pour recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, pour que la parole devienne réellement chère. Que cette parole puisse devenir, Dieu a utilisé seulement une cellule. Il a purgé, il a déprogrammé la cellule de tout ce qui était là-dedans. C'est parce que, c'est pourquoi les gens ont fait les recherches. On t'a déjà montré l'ADN de Jésus. On t'a déjà montré l'ADN de Jésus. Ils ne peuvent pas. Ils ont retrouvé les j'ai vu sur Internet l'autre jour, ils ont retrouvé le crâne de l'homme qu'on appelle, c'est l'homme quoi là, qui a permis à l'humanité de grandir, de se multiplier, ou bien de faire quoi, parce qu'on a évolué. On a retrouvé son crâne, et ils disent quoi? Que l'ADN de ce crâne-là, toute l'humanité a cet ADN, l'ADN de ce crâne-là, dans ses cellules. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Parce que moi, je fais beaucoup de recherches. Comme moi, ce crâne-là existe depuis des millénaires. Depuis des millénaires avant Jésus-Christ. Avant Abraham. Avant Abraham. Et on dit que par le canal, ils ont fait des recherches. Ils ont vu, ils ont trouvé l'ADN. Ils ont réellement utilisé l'ADN des milliers de personnes. Des milliers de personnes dans toute l'humanité. En Chine, ils ont pris les Chinois, ils ont pris les Australiens, ils ont pris les Français, ils ont pris les Africains, ils ont pris que nous avons tous le même ADN avec ces crânes-là. Ça veut dire que ces crânes-là viennent d'Adam. Et c'est comme ça qu'on a été aussi contaminés. Si ces scientifiques étaient les enfants de Dieu, ils allaient bien comprendre le processus de cette contamination. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent même pas ce qu'on dit aujourd'hui. Ils sont là, ils portent seulement les Bibles, même des pasteurs. Ils portent seulement des Bibles, ils racontent des bêtises qu'ils ne maîtrisent même pas. Des bêtises qu'ils réellement ils ne maîtrisent pas. J'appelle ça bêtise parce que si on lui demande réellement le processus de la venue, le mystère de la venue de Jésus dans le monde, comment cela s'est passé, il sera incapable d'expliquer exactement ce qui s'est passé, comme je suis en train de le faire. Il va toujours parler des miracles, parce que dans leur bouche aujourd'hui, c'est miracle, miracle, miracle, miracle, miracle, miracle le matin, miracle le soir, miracle. Il n'enseigne plus, il n'a même rien à enseigner. Et c'est comme ça que les gens sont vides. Les gens ont gardé, les chrétiens d'aujourd'hui, ont gardé les anciennes informations dans leur ADN. Et c'est là que le Saint-Esprit, que leur esprit humain va puiser ces informations en passant par l'âme. Parce que c'est ton esprit qui va puiser, et c'est ainsi que le démon va utiliser ce que ton esprit puise dans ton âme. Parce que ton âme vit dans la cellule. Ainsi, le démon, comme l'esprit humain de chaque personne, est en contact direct avec l'âme, et quand l'âme a des informations nocives pour la vie, l'âme a des informations négatives, l'âme a des malédictions, l'âme a des envoûtements que la cellule, les cellules, les 73 milliards de cellules ont enregistré, et c'est fini. Ça n'a jamais été déprogrammé. Et c'est pourquoi on va donc prier. Tu cherches la délivrance chez les prophètes, chez ceux-ci, on t'emballe à gauche, on t'emballe à droite, tu crois à celui-ci, tu crois à ceci aujourd'hui, tu ne crois plus, tu étais dans telle église, tu as changé déjà 2, 3, 4 églises, tu quittes pour aller chercher, parce que tes cellules sont absolument vides. Absolument vide. Le jour que tes cellules seront réellement déprogrammées, tu vas rester sur place, là où tu es né de nouveau. Et tu vas commencer à voir ton père spirituel qui t'a amené au Seigneur. Tu le verras comme le conducteur, le seul conducteur que tu as dans la vie, parce que la Bible déclare, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la défense parce qu'ils veillent sur vos âmes. Donc, l'histoire de Marie. Ici, l'histoire de Marie n'a rien à voir que Marie est montée au ciel. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang, j'ai déjà expliqué. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses et accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, ce n'est pas le cas maintenant, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en. Vous voyez la parole de Dieu. Vous voyez la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et si quand nous retournons un peu en arrière, vers le verset, et vers le verset, à partir du verset 13, nous sommes toujours au chapitre 15, verset 13 à 15, partagez la vidéo s'il vous plaît. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Est-ce qu'on n'a pas entendu ça dans ton pays, toi-même? Les sorciers, Satan vous fait croire que vous, les sorciers, Satan vous fait croire qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas ceci. J'ai parlé de ça lorsque j'avais développé une vidéo parlant de la Bible de Satan. Et je serai là demain soir également parlant de la Bible de Satan. Ça sera la deuxième partie sur la Bible de Satan. Donc, et Satan dit à ses fidèles que la résurrection n'existe pas et que... Et c'est pourquoi les gens se suicident, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir comme des animaux. Ils disparaissent, ils meurent, ils disparaissent. Et donc, ils se permettent de détruire son corps pour aller finalement en enfer. Satan dit à ses agents que l'enfer n'existe pas, que le ciel n'existe pas du tout. Vous voyez. Et ici, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si... Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Si les morts ne ressuscitent point. Il continue. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigner contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. En Christ, il précise, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est pour le mariage que tu as reçu Jésus, tu es le plus malheureux. Si c'est pour l'argent, pour les richesses, que tu es dans une église, tu es l'homme ou la femme la plus malheureuse. Si c'est pour le mariage, si c'est pour les habits, pour la vie terrestre, le luxe terrestre, les terrains, les villas, les immeubles, si c'est seulement pour ça que tu es en crise, tu es l'homme ou la personne la plus malheureuse. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu que je suis en train d'enseigner aujourd'hui qui le dit. Mais maintenant, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous voyez pourquoi il a donc dit ça? Parce que j'ai commencé le chapitre par la fin. Et maintenant, je reviens vers le début. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne lisent même pas les épîtres, qui n'étudient pas la parole de Dieu. Lire, c'est autre chose. Étudier. Tu ne peux pas étudier seul. Qui ne se laisse pas enseigner. Ils écoutent les prédications où on leur promet terre et ciel. Et l'apôtre vient de dire que si, c'est grave, par conséquent, Si c'est seulement dans cette vie, seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes dans la vie physique. Parce que Christ va me guérir, va me délivrer de la pauvreté, va me délivrer de la misère, donc nous sommes les plus malheureux. Parce qu'on est né étant séparé de Dieu, et lorsqu'il y a une réconciliation avec Dieu, ta place est au ciel. Tu dois lutter pour aller au ciel. Il y a des femmes et des hommes qui luttent pour avoir l'argent, pour avoir une position sur la terre, pour avoir le mariage, pour avoir ceci. Dès qu'ils obtiennent tout ça, ils quittent l'église. Il change, il va chercher des miracles. Si c'est pour les miracles terrestres là, tu es la personne la plus malheureuse sur la terre. Il dit la personne la plus malheureuse sur la terre. Si c'est pour les miracles, si c'est pour la santé, si c'est pourquoi, c'est pourquoi vous allez chez les féticheurs, chez les marabouts. Parce que vous cherchez la santé, vous cherchez quoi? La protection. Il faut aller, il faut appartenir pour chercher le travail. Il faut aller dans la rose croix, dans la franc-maçonnerie, parce que tu veux les nominations. Si c'est dans cette vie que tu crois en Christ, ou bien tu ne crois même pas, tu vends ton âme à Satan pour avoir tout ça, tu es la personne la plus malheureuse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tu es la personne la plus malheureuse. Malheureuse, malheureuse encore. Malheureuse encore. Alors, la Bible déclare que nous ne pouvons pas, nous ne mourrons pas tous, mais on va ressusciter, nous tous, nous allons sortir des tombes. Donc, c'est pourquoi il a d'abord dit chacun en son rang. Il y a ceux qui seront transformés étant encore vivants, qu'ils ne vont pas mourir. Mais ils vont entendre le son de la trompette et leur corps, on sera changé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. On sera changé. Marie avait changé où? Qui était présent le jour qu'elle partait au ciel? Montrez-moi la personne. Montrez-moi la personne. Ce que nous sommes en train de décortiquer là aujourd'hui. Montrez-moi la personne témoin. La Bible, il n'y a pas un seul verset. On vient de lire qu'elle était disciple de son propre fils. Elle était sauvée, elle est morte. Sa tombe se trouve à Jérusalem. Pourquoi on peut fêter l'Assomption? Qu'est-ce qu'on appelle mensonge? Et la Bible déclare, dehors les menteurs. Ça veut dire que si tu as cru à ça, et si réellement tes cellules ont enregistré ça, c'est pourquoi tu continues à vivre dans le mensonge, dans d'autres choses. C'est pourquoi tu es incapable d'abandonner le mensonge. Tu vis mensonge sur mensonge, hypocrisie sur hypocrisie, et également des bêtises que tu fais, la haine, le ressentiment. Tout ça, c'est dans tes cellules à cause de ces fausses informations que tes cellules ont enregistrées. Tu dois d'abord déprogrammer ça. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans ces différentes religions. Tu es né avec ça. Et aussi dans tes anciennes religions, peut-être tu n'es pas catholique ou bien protestant, mais il y a des mensonges également dans ces religions que tes cellules ont enregistrées, qui doivent être déprogrammées. Si ce n'est pas déprogrammé, monsieur, tu n'entreras pas au ciel, tu ne seras jamais enlevé. Parce qu'on n'enlèvera pas un corps. Ton corps, c'est quoi? C'est l'ensemble des cellules que la Bible appelle la chair, les fruits de la chair. L'ensemble, ce sont 13 milliards de cellules. Et ces cellules ont enregistré des informations très négatives. Et toutes les malédictions, la pauvreté, la misère, le péché, tous les péchés que tu commets, c'est dans tes cellules. C'est dans tes cellules. Donc, une fois que tes cellules ont enregistré ces choses, il est impossible, si ces cellules ne sont pas déprogrammées, que toi tu entres au ciel. C'est pourquoi tu continues à croire, on te trompe facilement. Il y a des soi-disant prophètes qui fabriquent des prophéties, on te trompe avec ça. Ce qui est vrai, tu es incapable de croire à ce qui est vrai. Quand tes cellules ont enregistré des mensonges, il est difficile que tu croies. Quelqu'un te dit même la vérité, tu vas toujours croire que c'est le mensonge. Et tu vas abandonner la vérité pour suivre le mensonge. Pour suivre le mensonge. Vous voyez comment réellement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans le corps de Christ, c'est ce qui se passe même dans le corps de Christ. Tu vois les gens, ils suivent n'importe qui. Même un gamin se met à prophétiser dans une église et devient ton père spirituel. Il devient ceci. Ceux-ci sont des prophètes avec des prophéties fabriquées à gauche, à droite, avec des esprits de divination. Ils disent qu'ils prient pour vous. Quand tu vas regarder, il va prier pour ton mari. Son mari est même en train de tomber par terre. Et lui-même, son mari est en train de tomber par terre. Son ministère tombe par terre. Il va prier pour... Il est pauvre comme une souris d'église. Et puis, il va prier pour tes richesses. Lui-même a la richesse dans les cellules. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Il n'y a rien qu'il peut te donner. Qu'est-ce qu'il a dans les cellules? Il va t'imposer les mains, il va laisser son ADN sur ta tête, sur tes cellules, dans tes cellules qui vont enregistrer ça. C'est pourquoi tu vas continuer à vivre ces choses. Exactement. C'est ça le rôle de l'ADN, la transmission des informations. Et c'est parce que le problème de mensonge, Sainte Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, est-ce que Marie est restée vierge jusqu'à... La Bible vient de dire que cette femme a eu des enfants après. C'était quand même la femme de quelqu'un. Et elle n'est pas restée vierge. Elle a été vierge lors de la conception, mais elle n'était plus vierge après l'accouchement de Jésus. Jésus est sorti. Et Joseph a réellement utilisé sa femme sexuellement. Ils ont eu des enfants, les frères de Jésus, du côté de sa mère. Des frères de Jésus. Pourquoi Dieu nous appelle des frères de Jésus? Il est notre sauveur parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Du côté de l'homme, la nature humaine, sur la nature humaine, Jésus est notre parce qu'il a porté la chair comme nous autres. Il avait les sentiments comme nous autres. Est-ce que, comment on doit vous expliquer ça? Comment on doit vous expliquer ça? C'est pourquoi la Bible dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure persécutés, en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire. Par la gloire dont vous êtes pour moi, le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, on disparaît. Mais ce n'est pas ce que le diable enseigne à ces gens. Mangeons et buvons, couchons avec les femmes, car demain, on va mourir et puis on va disparaître. Oh, c'est faux. Le diable sait qu'il y a l'enfer qui t'attend. Qui t'attend réellement. Vous voyez ce que, là où l'apôtre Paul revient, il dit, tu dois ressusciter. D'autres seront transformés. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de mourir. Coronavirus a tué combien? Il va continuer à tuer. Il y a ceux qui meurent, pas seulement du coronavirus, qui meurent des maladies, des accidents et autres. Comme au Cameroun récemment, où le coronavirus et d'autres accidents et autres maladies sont en train de tuer les pasteurs, tuer les brebis, qui mènent une vie, j'ai dit une vie tragique double. Ils sont à l'église, mais ils mènent autre vie. Ils sont en train de mener une autre vie d'or, une vie de saleté, une vie de ceci. C'est pourquoi la Bible dit, tu bois le sang de Jésus, tu manges la chair de Jésus sans discerner le corps du Seigneur. Tu sens discerner le corps du Seigneur. Tu bois et tu manges un jugement contre toi-même. Et c'est pourquoi, je l'avais déjà dit auparavant, quand je suis passé au Cameroun récemment, j'ai dit, tous les pasteurs qui trempent les mains là, vous êtes encore plus en danger, plus que quelqu'un qui commet le péché. Ce n'est pas que Dieu accepte le péché, mais il accepte un pécheur repentant, qui se répand, qui reconnaît son péché, qui prend la décision de l'abandonner. Mais toi, tu es entré dans la magie pour séduire les gens. Sache que tu vas mourir. Tu vas mourir physiquement. Dieu va te tuer. Il va te tuer. Tous les pasteurs, tous les prophètes qui ont la manie d'aller dans les ténèbres pour aller prendre les pouvoirs de divination. Ce n'est pas que ce qu'ils vous disent là est faux. Ils prophétisent sur les malades, ça se réalise. Tu sais qu'il a vu ça par quoi? Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. J'ai déjà expliqué ça au cours d'une émission. C'est les pouvoirs démoniaques. D'autres utilisent les pouvoirs démoniaques. Mais ceux-là vont mourir. Vont mourir parce que vous transmettez ce pouvoir démoniaque par l'imposition des mains. Et ces gens-là viennent nous déranger. Ils manifestent tout ce qui est comme attribut du Python dans l'église. La rébellion dans l'église, ils deviennent rebelles à l'église. Les femmes deviennent rebelles à leur mari. Les enfants deviennent rebelles à leur... Parce que ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui prennent les pouvoirs chez Satan, imposent les mains. Et quand tu vas mettre un enfant au monde, étant donné que tout le monde est passé sous ta tête pendant que tu faisais le tourisme des églises, ou bien tu allais les rencontrer, soi-disant, prier pour moi parce que je suis en danger, prier pour moi parce que je suis ceci, tu as porté tout cet ADN-là. Regarde leur vie actuellement. Cette vie est dans tes cellules. Pourquoi tu ne... Cette vie est dans tes cellules. C'est dans tes cellules par rapport à l'imposition de mettre tout ce que tu as reçu. C'est dans tes cellules. Mais aujourd'hui, tu souffres, tu vas encore plus souffrir. Si tu n'essaies pas de déprogrammer tout cela, si tu n'écoutes pas ce genre d'enseignement, pour que tout cela soit déprogrammé dans tes cellules. Et cela est très nécessaire. Marie n'est pas réellement ressuscitée. Pardon, il n'est pas encore. Elle va, son corps, hein, son corps va ressusciter le jour de l'enlèvement. Les corps des autres vont ressusciter. Il y a certains, le jour de la crucifixion, qui étaient ressuscités Parce que le chemin du ciel était déjà ouvert. Le voile qui était au temple s'est déchiré en deux. Ça a prouvé que le chemin du ciel, Jésus venait juste d'ouvrir le chemin du ciel qui était fermé. On doit prêcher, on doit vous enseigner comment. Et vous croyez à toutes les bêtises que les gens viennent raconter sur les réseaux sociaux, vous croyez à ça. Donc, il y a une deuxième partie de cet enseignement qui va commencer demain. Et qui va parler effectivement de beaucoup de choses que j'avais suspendues sur la mort qui frappe, les problèmes qui frappent aujourd'hui le corps de Christ, commençant par la mort des serviteurs de Dieu. Si ceux qui sont encore en vie là ne se répandent pas, je vous le dis, vous allez partir. Je suis arrivé au Cameroun en janvier, j'ai donné le même message. Mais personne ne savait que d'autres ont commencé à rigoler. Il est revenu avec ces choses-là. Mais ceux-là, la plupart ne sont plus en vie. La plupart ne sont plus en vie. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on appelle la repentance. Et c'est dans tes cellules. Si tu es incapable de demander pardon, si tu es incapable de se repentir, identifier la faute, tu es toujours prêt à accuser les autres. C'est les autres qui sont mauvais, c'est les autres qui sont mauvais. Mais alors que toi-même, tu as des choses en toi. Si on t'explique ce que tu fais, Bible à la main, que réellement, quand Dieu te regarde, toi, tu te justifies toujours que moi, je suis bien parce que j'ai fait ça. Les gens font ça. Mais quand Dieu réellement prend tes actes, c'est pourquoi la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Une épée, ça coupe devant, ça coupe derrière, non? Parce que tu accuses toujours qu'on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Dans tous les domaines, voici l'employé qui dit, mes ouvriers ont fait ça. Et les ouvriers disent, notre patron ne nous paye pas, notre patron bouffe notre argent, notre patron... Et la parole de Dieu est là au milieu, ça coupe les deux. Ça coupe les ouvriers, parce qu'il y a des ouvriers qui travaillent sans rendement, mais ils bouffent l'argent. Il y a d'autres qui se sont fait embaucher par rapport aux relations, ils ne maîtrisent pas le travail. Il y a d'autres même, étant pas, ils sont partis chez les féticheurs, chez les marabouts, et d'autres même ont utilisé des techniques, des faux diplômes, et c'est dans ces cellules, mais il sera embauché, commence à accuser, parce qu'il ne maîtrise rien, il commence à accuser. Il y a des patrons également malhonnêtes, que tu finis de travailler, tu as donné un rendement, mais ils ne te payent pas, et alors qu'il y a l'argent. Alors qu'il y a de l'argent. La parole de Dieu est là au milieu parce qu'il voit tout. Il voit tout. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau des affaires, tu vas te mettre avec les gens. Alors que toi-même, tu as dans tes cellules des programmations, des informations qui ne te permettent pas d'évoluer dans les affaires. Et quand ceux-là vont bouffer ton argent, tu vas les accuser. Et quand Dieu va regarder au dernier jugement, parce que toi, tu ne seras pas enlevé. La résurrection dont je ferai allusion demain, je vais enseigner sur la résurrection après l'enlèvement. Il y aura une résurrection que Apocalypse parle où personne ne sera sauvé. Dieu va seulement vous montrer ce que vous avez fait. Personne d'autre, parce qu'il y a des pasteurs qui enseignent que oui, il y aura une autre résurrection qui va venir, le dernier tour, ceux qui vous seront sauvés par la douleur, parce qu'on va les tuer, vont refuser 666 après la grande persécution. Après la grande... Non, vous mentez. Si tu rates l'enlèvement, si, dont un Thessalonicien parle, tu rates, ça c'est fini pour toi. C'est l'enfer. Les seules personnes qui seront restées, ça sera que les Juifs, qui seront encore en vie, qui vont croire. Lors de la deuxième, après l'enlèvement, Jésus va revenir. Avec ses saints. Lors de la guerre d'Armageddon. C'est en ce moment que quelques Juifs vivants vont voir Jésus, vont accepter que c'est lui le Messie qu'ils ont rejeté. C'est cette résurrection que je vais vous parler demain. Mais si toi tu ressuscites en ce moment, le jour du jugement, c'est fini. Tu es condamné pour l'enfer. Ton corps céleste sera condamné parce que toi aussi tu vas porter un corps céleste, mais qui va souffrir éternellement. Comme ceux qui vont sortir des temples lors de l'enlèvement pour aller vivre au ciel, dans le royaume des cieux. C'est comme ça que ça va marcher, puisque tu ne connaissais pas. C'était ici que ça va marcher. Donc, soyez au culte demain pour déprogrammer. Et comme je le disais tout à l'heure, que tu vas accuser les gens. Tu vas accuser tel, on a fait les affaires ensemble, il m'a bouffé. Pourquoi il t'a bouffé? Parce que dans tes cellules, hein, écoute, il y a des gens qui ont des informations qui ont été retransmises depuis une génération. Je parle souvent des bêtises. Pourquoi les bêtises ne sont pas dans les affaires? Tous ceux qui sont bêtises, ça veut dire que dans leurs ADN, là, l'ADN transmet de génération en génération. Le problème de l'alcool, c'est des soulards. premièrement pour commencer. Et après ça, ce sont des traits, ils se trahissent les uns les autres, ils se battent. La sorcellerie, la haine, la jalousie, tout ce qui est bêtise, ils ont ces informations. Donc, quand un bêtis a peur, prend, par exemple, est sur un poste, les autres ne le supportent pas du tout. Les autres font faire tout et tout pour le faire chuter. C'est-à-dire, on te nomme aujourd'hui le président, comme je l'ai toujours dit, le président lui-même a été trahi par qui? Par les bêtis, ses propres frères. Et en plus, après ça, dès que toi tu es nommé, même dans ton village, c'est toi qui les nourris, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui donnes l'argent, c'est toi qui fais salaire, tu envoies les enfants à l'école, tu fais ceci. Mais cela n'est pas suffisant. Mais seulement parce que c'est toi qui le fais, pourquoi c'est toi qui le fais, on doit te tuer, on doit t'envoûter, on doit également détruire tout ce que tu fais. Jusqu'à ce que il t'envoûte, tu vas commettre des erreurs professionnelles jusqu'à ce que tu ailles en prison. Si tu ne vas pas en prison, également, ils vont faire quelque chose où tu meurs, où tu deviens bête. Tu commences à boire de l'alcool jusqu'à taper sur ta femme, chasse les enfants. Tu deviens bête, tu commences, ils vont mettre un amour sur les femmes. Tu vas coucher avec toutes les femmes du Cameroun, de l'Afrique. Et tout ton argent va disparaître de cette façon. C'est dans les cellules. Nous naissons avec ça dans nos cellules. Vous voyez, et quelqu'un va te bouffer de l'argent et tu vas commencer à dire que oui, on me bouffe toujours, je ne sais pas pourquoi ma vie est en dents de scie et j'ai fait du bien aux gens et puis les gens ne parviennent pas à rendre ce bien par le bien, ils rendent le bien par le mal. Donc, mais toi, tu ne sais pas que tu as tout ça dans les cellules. C'est des choses comme ça que je vais analyser. Tu as tout ça dans tes cellules. C'est dans tes cellules, c'est pourquoi l'esprit, le démon, lit ça dans tes cellules. Les démons qui animent cette personne vont lire ça dans tes cellules. Et comme ils ont lu ça dans tes cellules, les gars te donnent exactement ce que tu as dans les cellules. Tu auras des frères, des sœurs qui sont bien placés, qui ne prendront jamais soin de toi. Tu vas même mettre des enfants au monde, hein, mais ils ne vont jamais s'occuper de toi. Toi, maman, toi, papa, ils vont même t'abandonner parce que tout cela est dans tes cellules. C'est dans tes cellules. Tu vas faire du bien aux gens. Les gens ne pourront jamais. Jamais. Ce n'est même pas leur problème. Tu passes même, on te dit que tu as fait du bien. Tu as donné à manger à ces garçons-là qui est déjà bien. Ils ne te regardent même pas. Parce que c'est dans tes cellules. C'est dans tes cellules. Tu vas faire des choses. Tu voyages. Tu aides les gens. Tout ceci, personne. Tu entres dans un foyer. Tu commences à accuser l'homme d'autrui. Ah, il me fait ceci. Il ne fait pas ça. Alors que c'est dans tes cellules que ça se trouve. Au lieu de chercher ta propre délivrance d'abord, tu commences à fouiller dans tes cellules. Pourquoi mon mari se comporte comme ça? Pourquoi ma femme se comporte comme ça? C'est dans mes cellules que le démon lit les informations. Je suis né avec ça dans ma famille d'abord, avant d'accuser sa famille, avant que toi tu n'accuses la famille de ton mari ou bien de ta femme. Occupe-toi d'abord de tes cellules. Et lorsque tu vas t'occuper de tes cellules, et les esprits, que ce soit les esprits familiers, comme on les appelle, les esprits familiers, parce que la plupart des serviteurs de Dieu viennent sur les réseaux, ils ne font que parler des esprits familiers. Vous savez, les esprits familiers se nourrissent de quoi? Je vais traiter ça demain. Les esprits familiers, je parlais de demain matin. Je vais traiter ça, parce que ce sera en direct demain matin. Je dois traiter ça, pas le soir, mais demain matin, ce sera en direct. Donc, les esprits familiers travaillent dans ce sens-là. Que tu es marié avec un homme, l'esprit de ta famille, puisqu'ils utilisent l'ADN, l'information se trouve dans l'ADN de ton mari. Ils informent donc les membres de la famille. Parce que toi, madame, tu entres en contact sexuel avec ton mari, son ADN entre dans ton corps. Et comme tu as l'ADN de ton père, et les esprits de ta famille se nourrissent des informations qui sont dans l'ADN de ton père, qui est devenu ton ADN le jour de ta naissance, ils se nourrissent de toutes ces informations. Ils vont donc transmettre aux esprits qui accompagnent également ton mari. Et parce que l'ADN de ton mari est déjà dans ton ADN. Il y a eu fusion lors du mariage. Lors du rapport sexuel. C'est pas seulement le mariage. Lors du rapport sexuel. Alors les informations, ils passent d'une information. Les esprits de cette famille passent des informations qui sont dans l'ADN de madame aux esprits de la famille de l'homme. Et les esprits de la famille de l'homme passent des informations qui est dans l'ADN de l'homme aux esprits de la famille de la femme. C'est comme ça que ça fonctionne, les esprits familiers. Et à partir de demain matin, nous allons déprogrammer cela. Ceux qui seront au Temple des Nations le matin, dans la matinée, Temple des Nations, Paris ou Yaoundé, ça va chauffer. Ça va chauffer, c'est moi-même qui va parler. Et vous allez entendre sur ce que je viens d'analyser, faire une petite analyse sur comment les ADN sont utilisés par ces esprits, que vous appelez les esprits familiers, comment ça chasser et ça les esprits familiers. Alors que les informations restent dans les cellules, l'ADN continue à transmettre des informations aux esprits, et puis tu commences à chercher le divin chez les prophètes, commences à chercher ceci chez les prophètes, mais ça servira à quoi? Ça ne servira à rien. À rien. Il y a des spécialistes dans la chose. Comme dans la science, il y a des spécialistes dans les problèmes de l'évangile, il y a des spécialistes également. Tout Dieu a donné, ce que Dieu m'a donné n'a pas donné aux autres. Et c'est pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas écouter les autres se heurtent donc parce qu'ils croient connaître. C'est dans leur ADN aussi ces informations d'orgueil. Ils croient connaître. Au lieu de s'approcher pour apprendre, ils vont m'entendre parler sur les réseaux sociaux, ils commencent à copier, à prendre des notes, tout simplement, ça s'arrête là. Vous pensez que tout est dit sur les réseaux sociaux? Formez-vous, soyez humbles. Soyez humbles, tout n'est pas dit sur les réseaux sociaux. Jésus disait, parlant au public, il se retirait avec. Pourquoi tu ne peux pas être humble pour dire que je ne connais pas? Est-ce que tu peux me montrer? Moi aussi, je le fais souvent quand je rencontre les serviteurs de Dieu. Je dis, je t'avais écouté l'autre jour, est-ce que tu peux bien m'expliquer, m'enseigner ça? Moi, je le fais. Voilà ce que j'avais à vous dire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Attendez cette intervention dans la matinée. Et demain, ça sera un peu tôt. Donc, veillez et regardez. Et après avoir intervenu, on va déprogrammer avec le sang de Jésus au temple de nation et aussi les temples de nation en général. Les temples des nations en général. Ça sera donc comme ça. Ok, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, de mon Dieu, soit sur vous et que la puissance de son esprit s'en continue. C'est le début comme ça. Je vais continuer dans la semaine parce que je prendrai tout ce temps-là. J'ai eu un flottement pendant 2 semaines sans faire réellement des vidéos. Et je crois que cette vidéo va vous aider encore à parler de ce problème de résurrection de Marie et autres. Et le reste va continuer dans les informations que vous allez recevoir demain au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.